Aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merde, il avait raison. Bourassa? Oui. Jean Charest aurait pu dire la même chose. Eh, tu fous. Trou de cul. Grippe H1N1, aucun vaccin ne peut nous prémunir de ses effets ravageurs. Accueillons votre animateur, le très contagieux Jean-Philippe Apichu Vaux! Ho, ho, ho, ho, ho, ho, yeah! Hey! Bonsoir tout le monde! C'est viril, hein, Apichu? Ça n'a pas de bon sens. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser en plein mal le temps de nous souhaiter bonne année, oui. Tout le monde. Bonne année, Fred Savard. Oui, hey, là, jusqu'à quand on peut encore se souhaiter bonne année? Là, me semble rendu au 10 janvier, ça commence à être tard. Ben, je pense en fait qu'on a jusqu'au 31 décembre de l'année courante. Ah, ouais. Tant qu'on n'a pas vu la personne, ouais. Je pense que c'est bon. Non, je sais pas trop, c'est flou. Ça prendrait une charte, je pense, pour nous éclaircir. Si on ajoute une charte à ça, ça va être une très mauvaise année. Ah ouais, hein? Vous savez très bien. Puis en plus, il y a Yves Michaud qui va demander à ceux qui sont tannés de se souhaiter bonne année de quitter le Québec. Il va s'excuser parce qu'il s'est gouré. Vous savez, bon, non, on veut pas ça, Fred. Non, franchement, ouais. Et on veut pas que vous partiez non plus. Ah, mais inquiétez-vous pas, là, de toute façon, on s'en sac de ce qu'il pense le Robin des banques. Là. En tout cas, pro charte comme il est, c'est clairement pas le rabbin des banques. Oh! C'est notre plus facile à date. Sinon, l'année a commencé assez raide hein, pour les enverdeurs. Paraît que le gouvernement du Québec veut... Non, mais c'est vrai. Le gouvernement veut savoir s'il y a du pétrole dans le banc des Américains. Et ça, c'est ça. Ben, les Américains, c'est le peuple du Sud. Non. Ils sont juste gros. Non. Le banc. C'est quoi ça, le banc? C'est comme une chaise plus large. Non, le banc des Américains, non, honnêtement, c'est je sais pas c'est quoi. C'est comme une zone qui est supposée être protégée par le fédéral et il y aurait plein de pétrole là-dedans. Ah ouais, là, vous êtes en train de me dire que le gouvernement Harper est plus écologique que Pauline? Moi, genre. Là, vous êtes en train de me dire qu'on a oublié d'écrire une blague ici? Oui, mais... Mais ça, j'aimerais qu'on soit clair, c'est notre nouvelle résolution pour cette année, moins de blagues. Non, mais regardez le bye-bye, 4 millions de codes d'écoute, hein? Aucune blague! Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer à nous. Tout à fait. Puis moi, je pourrais imiter Jean-Pierre Ferland. Ouais, rien là! Rien non! Avec du bon maquillage, on peut tout faire. Et les décors, c'est extraordinaire. Ah oui? Vous l'avez vu, hein? Ah non, mais moi, je l'écoutais pas de son, ça choquait moins. Ah! C'est ça, le truc! Ça doit être comme ça que Richard Therrien l'a écouté, vous savez. Ben, en général, c'est comme ça qu'il écoute sa télé, ah ouais, pense, hein? Richard. Ouais, ben, c'est beaucoup, hein, le son et l'image en même temps. Ouais, c'est, ouais. Ça choque. Hey, on va arrêter avec le bye-bye et on va revenir à nos écolos qui, eux non plus, n'ont pas le goût de rire. Et, Ben oui, il paraît que la moitié... Ah, mais... J'ai entendu ça. Il paraît que la moitié des légumes bio sont contaminés aux pesticides. Ah non, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Puis en même temps, je disais, moi, que Yves Michaud contienne des pesticides ou non, ça m'intéresse pas. Mais non. Franchement. C'est que vous dites que Michaud est bio, on ne sait je pas. Je sais pas, sa femme. En tout cas, je parle plutôt de la publication d'un nouveau manifeste signé, entre autres, par Bernard Landry, Joseph Facal, Monique, Jérôme Forget et plein d'autres personnes décédées comme ça. Oh. Et... Pas un autre manifeste des lucides! Non, c'est un manifeste pro-pétrole. Ah. Alors, c'est plus un manifeste des gluants. Ah. Rêtez bonne pour le bye-bye, celle-là. Alors, ça arrive un petit peu, il l'aurait coupé. Ah oui, il l'aurait coupé. Mais en même temps, Fred, faut arrêter de penser petit. Non, c'est vrai, ça. Hein? Nous autres, si on a le droit de faire comme l'Alberta, hein? On a le droit de cochonner notre environnement. Ben oui! Et puis en plus, en Alberta, ils ne paient pas d'impôts. Hein? Alors, l'argent économisé permet de nettoyer l'environnement qu'ils ont cochonné. Ah! Alors, c'est tout et dans tout, hein? Oh, faut les penser. Hey, parlant de cochonner quelque chose, il y a la GRC qui a laissé deux manifestants s'approcher à quelques centimètres de Stephen Harper. Vous avez vu ça? Ça s'est passé lundi. Wow, c'est pas mal mieux que les journalistes depuis 2006. Ouais. Mais il y avait un truc. Ah ouais, c'est quoi le truc? Ouais, ils posent pas de questions. Ah! Non, pour vrai, comment ils ont fait de s'approcher comme ça du premier ministre? Ah! Il paraît que c'est Yves Desgagnés qui s'occupait de la mise en scène. Ah! Oh! Ah! Ça commence en force. Ouais. Toujours dans le domaine de la culture, il y a Michel Plot qui a été nommé poète officiel du Parlement à Ottawa. Ben voyons donc, les conservateurs ont nommé un poète officiel. Oui, ben on peut ne pas aimer les romans, mais on peut aimer la poésie. Ah oui, comment on fait? Ben oui, ben en fait, on aime mieux lire les petites phrases courtes que les longues phrases plates. Ah, OK. En tout cas, je changerai pas de place avec lui, hein, ça doit pas être facile de faire des rimes avec pétrole. Hein, c'est ben pas, oui, non, c'est facile, tu vois là. Je veux dire, j'aime le pétrole en cibole et je roule en Rolls-Royce. Ah, ça roule comme ça. Êtes-vous capable? Non, attendez. Pétrole, bébé doll. Richard Seguin a fait une carrière là-dessus, hein? C'est très bon, ça. Ah, mais mon Dieu. Et parlant de Rolls-Royce, nos invités de ce soir ne sont pas venus à pied. Non. Quel beau lien, hein? OK. On reçoit d'abord l'infoman Jean-René Dufort. On est très contents de le recevoir. Mon Dieu, que c'était bon, sa revue de l'année. Oui, mais ils ont un avantage, hein? Ah ouais, hein? Ben oui, eux, ils ont presque 3 semaines pour faire. Oui, oui, quand même. Et 10 fois moins de budget. Ben oui, c'est tous des avantages. Faut penser à ces choses-là avant de critiquer. C'est trop de moyens, ça donne le vertige. Exactement. Ouais. Sinon, on soit également l'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, ouais. On est très heureux. C'est la 3e fois, hein? Ouf, ouf, j'ai eu peur. Quand vous avez dit ex-chef du Bloc, je pensais que c'était Daniel Taillé. Non, non, non, ben non, non, non, non, non. Partez, Strabascar, let's go. Voyons, hey, vous savez, Fred, ça aurait pu être pire. On aurait pu recevoir Lucien Bouchard. Oui, j'avoue. Et là, ça aurait peut-être été moins drôle. Oui. Hey, de toute façon, on aura le temps de s'en remettre parce que la soirée est encore jeune. Et Olivier... Dites-moi donc, est-ce qu'Internet existe encore en 2014? Ben oui, on est sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et aussi au radiocanada.ca/lasoirée, où les gens pourront voir un animateur de radio et un médecin apôtre des cliniques privées tomber dans le piège d'une fausse nouvelle disant que 37 personnes sont mortes d'une overdose de pot au Colorado. Un médecin qui pense qu'on peut faire une overdose de pot, il doit en avoir fumé du bon. On passe au courrier des auditeurs. Bon. On a d'abord Patrice J. Tremblay qui nous dit « Vous étiez pas mal drôle au bye-bye, bravo! Ah. » Ben merci, hein, vous êtes un des seuls à avoir reconnu Jean-Sébastien déguisé en Ariane Moffat. Sinon, il y a Vincent Dubuc qui nous écrit « J'aimerais faire une annonce. Homme célibataire de 24 ans, cherche femme qui aime tout comme lui les blagues de Fred Savard. Je suis étudiant à l'UQAM en animation et recherche culturelle. » Pour vrai? Le message est passé. C'est alors, vrai? Mon Vincent, je vous dis tout de suite, par contre, là, vous avez déjà l'air un peu cheap de ne pas être capable de vous payer Réseau Contact. Là. Pas sûr que ça va marcher. Non, de toute façon, Fred les ramasse toutes, les c'est bien. Ah, bon, on va les retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Hey, ça va bien, bonne année, hein? Bonne année, Jean-Philippe, bonne année. Oui, c'est beau. Ouais, mais vous le savez, hein, Jean-Philippe, comme à chaque année, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On fait des excès. Ah, oui. Moi, généralement, trop de bouffe, trop d'alcool, trop de relations sexuelles non protégées avec des toxicomanes. Ah, et puis vous savez, non, mais vous savez, Jean-Sébastien, ce qu'on se disait l'année dernière, plus jamais, ben j'ai recommencé. Ben, je le sais, Jean-Philippe. Hey, écoute. On s'aille-tu le lendemain matin? Et qu'on s'aille. Hein? Mais le fun qu'on a eu ce soir-là. Ça, il n'y a personne qui va nous enlever le fun qu'on a eu, Jean-Philippe. Et que c'est absolument le fun. Pas. Donc, en janvier, oui. Jean-Philippe, on veut se remettre en forme. Souvent, on va changer notre alimentation, entre autres. Et aujourd'hui, j'ai pensé nous offrir des conseils. Oui. Alors, j'ai pensé demander à la petite Marie-Lou qui sera avec moi dans quelques minutes, Jean-Philippe. Marie-Lou? Marie-Lou. Ah, la chanteuse qui fait des jus. Oui! La chanteuse qui fait des jus. Et pas juste des jus, Jean-Philippe, sachez qu'elle tient un blog culinaire qui s'intitule 3 fois par jour. Et mon Dieu, ça fait beaucoup de jus, ça, 3 fois par jour. Oui, énormément de jus. Et cette semaine, d'ailleurs, elle a mis en ligne une vidéo qui est rapidement devenue virale où elle nous montre en substance sa routine matinale. Donc, en gros, elle se lève, elle se brosse les dents, elle boit d'autres choses. Elle fait un smoothie vert qui ressemble au lendemain de brosse de Fred Savard. Bref... On parle de tout ça avec elle et du bon manger dans quelques minutes, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On se retrouve à 8h à la clinique L'Actuelle. Oui, oui. Excellent. Ayez votre carte de fidélité. Oui, je suis rendu à 10. C'est gratis pour moi, je pense. Après 10 gonorrhées, une 11e gratuite. Oh. On s'était dit qu'on n'irait pas là parce que c'était moins drôle. Ah. Ça allait dépasser les lignes. Je mélange toujours les répétitions puis le direct. Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est fâchant, hein? C'est bête, bête, bête. Ben oui, on s'en reparlera en réunion la semaine prochaine. OK, bye! Notre premier invité, Fred. Il nous a offert la meilleure revue de l'année 2013. C'est juste dommage qu'il ne soit pas marié à Véronique Loutier. On aurait eu tout un bye-bye. Accueillons Monsieur Jean-René Dufort! Yeah! Jean-René! Ça va bien? Hey! Ben oui! J'aurais eu une plus grosse maison aussi. Ouais. Ben, faut savoir investir, Jean-René. Oui, je sais. C'est ça l'affaire. Ça n'a jamais été ma force. Non, ben c'est ça. Mm. En plus, vous ne vous diversifiez pas. Non. 14 saisons d'Infoman, mais ça fait. Hein. Je suis un peu la binerie Mont-Royal là, des émissions. Ben, en fait, c'est un peu ça qu'on sent. Il demeure qu'un bon hot dog, toujours bon. Hein. Ben oui. Les classiques, tu ne changes pas ça. Hey, la belle analogie. Ben oui. Hein. On vous recevait pour faire la revue de l'année 2014. Oui. Ah. Déjà? Ben, faut le faire tout de suite. Puis en même temps, c'est pour s'économiser de l'argent. Puis je dois vous avouer, on a moins envie de travailler. Oui. Puis à un moment donné, on se dit, regarde, si on couvre tout ce qui est fait. Prendre l'avance. Oui, c'est ça. Ils mettront des reprises. Et, mais juste avant, on va quand même parler de la revue de l'année 2013. Est-ce que vous avez écouté Infoman 2013, oui. La revue de l'année? Oui. Quelques-uns. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui! Quelques-uns. Bon. Ben oui, oui ben quelques-uns quand même. 1 700 000. Oui, oui, oui. Hey, ça, c'est rare que vous faites des grosses. C'est rare qu'on fait ça, oui. Ah, oui. D'habitude, ça prend toute la saison pour arriver. C'est le fun de faire ça d'une shot. Hein? Oui, d'une shot. Ouais. Ben, nous, ça va prendre 4 saisons de faire la moitié de ça. OK. C'est correct, on accumule, puis on a 42 shows par année, nous. Hein. non, mais toujours est-il qu'on regardait les critiques le lendemain, et ça fait quelques années qu'on lit ça. Oui. Mon Dieu, qu'Infoman est bon, puis le bye-bye, bon, plus de positif, moins de négatif, moins de négatif. À un moment donné, un infoman plus long, ça ferait pas la job. T'es-tu fou, toi? C'est-à-dire? Moi, j'adore que le bye-bye soit là parce que les journalistes se garochent sur le bye-bye. Ouais. C'est le trouble est sur eux. Ouais, nous, on a un peu la paix en étant les underdogs. Avant, on est un peu comme le tapis welcome avant. Ouais. Et là, les journalistes écrivent 3/4 de textes sur le bye-bye. Après ça, 2-3 lignes. Moi, c'était pas pire sur nous. Et nous, on adore ça parce que ça nous tente pas d'être dans la case en haut. Non, mais c'est que je disais, en fait, Odile Tremblay, qui vous aime bien gros. Hein, ah oui? Et qui, ben, d'ailleurs... Pas seulement elle, hein. Il y a Douglas Beauchamp dans Le Soleil. Saviez-vous que Douglas Beauchamp existait? Ben, il a l'air sympathique. Ben, vraiment, parce qu'il vous aime énormément. Okay. Hein? Paraît-il que vous décodez avec brio le ridicule des événements marquants de 2013? Oui, ça, c'est plus M.C. Gilles. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Ah ouais? Le génie dans cette émission-là, d'ailleurs, c'est qui? Le génie, je te dirais, c'est le monteur. Ouais. Honnêtement, là, ouais, il s'appelle Patrick Paranteau. C'est vraiment lui qui répare toutes nos niaiseries. Ouais. Parce que si tu prenais le stock shot, là, ça serait pourri en baptême. C'est pas si bon. Hein? Non, c'est vraiment lui qui sait écrémer la chose. Garder le bon. Ouais. Dans le fond, c'était lui qui devrait gagner. J'aime. Est-ce qu'il y en a gagné un pour un montage? Il y en a déjà. Ce qui est très drôle, c'est qu'une année, on a gagné meilleure émission et pas meilleur montage. Et l'autre année, on a gagné meilleur montage, mais pas meilleure émission. Ben, c'est dur à décoder, ces affaires-là. Mais c'était bien monté. Tu le vois quand c'est bien monté. Tu dis, ah, c'est bien monté, mais l'émission était so-so. C'est ça. C'est plus... mais ça se voit facilement. Ou contrairement, une très bonne émission, mais vraiment mal le montage, ouais, c'était carrément. Mais c'est ça. Mais c'est des problèmes de bien du monde. OK, on va parler de 2014. Non, mais... 2013, là, c'était payant comme année, ça. C'était trop payant. C'est ça. C'est ça qui est tough, parce que... Tu sais, t'as une heure pour remplir toute cette année-là. C'est comme t'as une petite chaudière, il faut que tu mettes le lac Champlain dans le complet. Ouais, oui. C'est tough. Il y avait trop d'affaires. Là, j'espère qu'il va arriver moins d'affaires en 2014. Mais... ben, je suis pas sûr. Mais ça a l'air que non. C'est mal parti pour ça. Ah oui, ben non, mais ça commence l'année en force. Mais vous avez commencé l'année à Stockholm. Oui. Parce qu'on... On essaie de deviner à chaque année où est-ce que vous allez commencer votre spécial. Et j'essaie que vous ne soyez pas capable de deviner. Ben, on n'est pas capable. En fait, je rencontre... Aviez-vous deviné? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Puis on se posait la question, en fait. Parce que l'année passée, vous étiez à Paris. Non. Oui, non, où c'est que j'étais la dernière fois? Je ne sais plus, mon passeport est plein. Tu as amené à Haïti, tu as amené à quelque part. Je comprends, pourquoi vous n'avez pas de budget pour des faux mentons? Hey, écoute... Bien d'avion, ça coûte cher. Deux gars, un Kodak en classe poulet, là, ça coûte pas cher. Ça coûte bien moins cher que le Studio 42 avec 72 techniciens puis des décors d'Astérix. La classe poulet. Je dis ça hypothétiquement. Ah ouais, on n'a pas regardé non plus. Mais... mais oui, non, mais on voulait aller absolument à Stockholm parce que Candy Crush, en tout cas dans notre équipe, c'est vraiment un fléau. C'est en train de détruire la société moderne, en tout cas de notre point de vue. Ça a détruit la vie sexuelle de plusieurs couples que je connais. Non, l'avènement du iPad plus de Candy Crush, ça a tué plusieurs couples. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, en fait, je n'ai jamais joué à ça. Olivier et Fred non plus. Fred est encore au charbon. Qui est drogué à Candy Crush ici? Qui joue à Candy Crush? Je viens à peine de découvrir Tetris. Ah oui? Mais c'est vrai que les gens qui ont levé la main n'ont pas l'air d'avoir une vie sexuelle très... Non. C'est rien de méchant. En même temps, vous êtes super bon à Candy Crush. Moi, je suis pourri. Je suis pourri. Mais ils sont incroyables. C'est vraiment le diable. Hein. Là-bas, là, ils reçoivent d'argent là, en petites gugus qu'on achète, des petits jelly beans et tout. 875 000 $ par jour. Oh mon Dieu! Ouais, c'est, ça arrive, bidling. On fait pas bonne job, mais non. Pantoute. Fait que c'est pour ça j'avais estimé que... On a des dépenses quand même. Là, ben, et... C'était le diable, il fallait aller leur dire. Mais justement, quand on a... Ben, moi, quand j'ai vu ça, comme je ne suis pas du tout touché par Candy Crush, à part pour les maudites invitations Facebook que j'ai tous les jours, je me disais, est-ce que c'était votre choix numéro 3, 4 ou 5? Vous aviez vraiment quelque chose de plus... Tu sais, un souhait là, que vous vouliez... vous aviez quelque chose en tête, là, mais ça n'a pas réussi. On a tout le temps 50 souhaits. Je peux te dire des choses qui n'ont pas marché. Vas-y. On avait vraiment demandé une entrevue avec le pape. Avec ouais, Frank? Frank, parce que Frank n'a pas arrêté de dire quand il a été nommé, ouais, moi, je vais être proche du monde, ouais, je vais aller voir le monde. On dit, ah ouais, si t'es proche du monde, reçois-nous donc une entrevue. Ouais. Et il a dit non. Ah, voyons donc. On a pleuré beaucoup. Moi, j'étais sur le bord de revenir catholique, là. Oui. On avait réussi à voir la ministre de la Justice de France. Ah. Ouais, ouais. C'est qui s'est fait traiter de guenon. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais drôle, elle est très sympathique. Ouais. Non, elle était... Puis le mariage gay. Puis finalement, malheureusement, M. Mandela est décédé. Et elle a dû assister exactement le jour où on allait. Donc, c'est la faute de Mandela si on n'a pas eu. Mais lui, il n'a pas fait de la prison pour rien. Non, lui. Il aurait pu choisir un meilleur timing. C'est niaiseux, mais on n'a même pas encore parlé de 2014, puis c'était un peu pour ça qu'on vous invitait. OK, je suis désolé. Ouais, mais c'est le fun ici. Ben non, c'est vrai que c'est le fun. Mais en fait, je voulais parler de l'avenir du Bloc, mais je me dis, on va attendre un peu. Hey, moi, c'est le je ne dors plus. J'essaie de savoir qui sera le prochain leader du Bloc. Ben, il me semble qu'il y a comme il y a deux choix. Là, trois? Oui. Ben, je sais pas. Les ben, peut-être députés. Quelqu'un d'extérieur. Ah oui? Je suis sûr que les gens dans la rue se demandent, pourrais-je, moi, devenir chef du Bloc? Ben, c'est une bonne question. Sinon, Rob Ford, que vous avez eu en entrevue, c'est maintenant votre nouvel ami. Hey. Est-ce qu'il croyait vraiment que vous alliez lui demander, que vous lui avez demandé de devenir maire de Montréal? Est-ce qu'il croyait vraiment que les Montréalais voulaient ça? Ben, nous, on l'a suivi pour une journée, puis on a remarqué que, tu sais, vraiment, entre l'ascenseur et son bureau, c'est pas direct, il y a un tas de journalistes. Ah ouais. Puis à chaque fois qu'il arrive de l'ascenseur à son bureau ou du bureau à l'ascenseur, t'as 50 journalistes qui... Et il est comme, il en peut plus, il est rouge, rouge, rouge. Ouais. Et nous, on s'est dit, si on lui demande quelque chose qui n'est pas gentil, il va continuer à courir. Fait que j'ai essayé d'y demander quelque chose de gentil en disant, voulez-vous devenir maire de Montréal? Peut-être qu'il va s'arrêter. D'autant plus que si vous regardez l'image au ralenti, il y a un gros bouncer noir qui a sûrement déjà joué au football à côté de lui, qui a sa main sur moi, prête à m'expédier. C'est je vrai? Sais pas où. Et alors, j'étais mieux d'être Mais d'être, pourtant, vous êtes gentil. Fait fort. Ben, tu sais... C'est une petite blague. Ça se lance bien, un nerd. C'est un peu comme un nain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça casse tout seul. Ah oui. Sinon, la charte. Qu'est-ce qui va se passer avec la charte cette année? Ah, on va continuer à s'assassiner là-dessus. Là, il y a les audiences la semaine prochaine. Ça va être bon, ça. Ah, le bordel va pogner d'aplomb. 250 mémoires, les druides du Québec, stop circoncision Québec. Ouais. Hey, le plaisir qu'on va ça avoir. Ça, ça va être pas pire, ça. Ah. OK, est-ce qu'il y a des élections provinciales cette année? Oui. Ah okay. Oh, oui. Ah oui? Oh oui. Non, pour vrai? Oui. Pour moi, j'ai demandé à Pauline que ça soit à l'automne. Ah ouais? Oui. Pour vous aider. Vous êtes... donner un break un peu, puis à l'automne, c'est un peu vide. Oui, oui, non, je suis bien d'accord. Ah, bon, on est bien d'accord avec ça. Ouais. Et en terminant, parce que c'est déjà terminé, ouais, hein. Ça va vite, ça va vite, vite, vite. Est-ce qu'il va y avoir une 15e saison d'Infoman? Oui. Ah, c'est déjà signé, puis t'inquiète. C'est déjà. Ben, c'est. Yeah! C'est déjà en processus. Ah oui? Oui, oui, oui. Oui. Ben après 15, c'est pas mal ça. Ben on s'est dit à 15, là... Chiffron. Ça va commencer à nous demander de partir. Oui. Et là, on va revenir pour une 16e bien pour faire chier. C'est ça. Là, vous allez vous dire, 17, c'est niaiseux. On va taper jusqu'à 20. C'est ça. OK. Bon, on mais notre but, c'est de battre le jour du Seigneur. C'est combien d'années, ça? Ils sont rendus à quoi? À 50? Ah ouais. Vous allez être drôle à 73 ans. Ah, j'ai en marchette à courir après politicien, là. Ça va être funny. Hey, puis sinon, vous allez aux Olympiques, mais là, on n'a plus de temps. Fait oui, à Sochi. Hey, j'exploserai pour vous. C'est ça? Oui. Ah oui, j'ai assez. Ah, faites attention. Hein. Si vous explosez, vous explosez d'un seul côté, parce que ça tâche, par exemple. Oui, ils m'ont dit de faire attention aux femmes seules. C'est-à-dire? Ça a l'air que c'est elle qui explose de ce temps-là. Arrête donc! Ouais, ouais, ouais, parce qu'on ne soupçonne pas, elle ne se fera pas exploser. C'est une femme. Femme seule. Pas! Ah! C'est pas une joke, ça? Ouais. Fait que vous seriez mort en 5 minutes là-bas, Cruiser. Comme... Oh. On va finir là-dessus, c'est très drôle. Okay. Hey, bon, vous savez, Yves Michaud, il a semé une petite controverse cette semaine nous, ça nous a inspiré une extraordinaire publicité. On écoute. Les résidences Michaud. Jean du bel âge et du PQ. Aux résidences Michaud, on accueille les personnes en perte d'autonomie physique et surtout mentale, et seulement si elles sont blanches et francophones. Parce que comme l'a dit si bien notre fondateur Yves Michaud, Je dis simplement que ceux qui viennent vivre au Québec, eh bien, qu'ils ne viennent pas nous imposer leurs us et coutumes. C'est pourquoi, aux résidences Michaud, nos pensionnaires se verront respectés dans leurs coutumes séculaires de xénophobie et de nationalisme à la sauce catholique. Vous connaissez l'adage, à Rome, on fait comme les Romains, quoi. Aux résidences Michaud, vous ne serez pas entourés de Romains, mais seulement de gens hautains et vaniteux, comme notre fondateur. Essayez pas de me vouer là, à la géante de l'enfer. Et si jamais certains de vos voisins de palier ne sont pas d'accord avec vous et vos amis, on a une solution pour eux. S'ils sont pas contents, ben qu'ils n'ont qu'à partir. Les résidences Michaud. Idéal pour les indépendantistes, mais encore mieux pour les pédantistes. Ah, vous vous êtes dépassé, Fred, cette semaine. Pourtant. De méchanceté. Jean-Sébastien! Ah, bonjour, Philippe. Tel que promis, je suis présentement avec la chanteuse Marie-Lou. Marie-Lou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évidemment parler de cette alimentation dans quelques minutes, mais avant, si tu te permets, ma puce, on va revenir sur cette fameuse vidéo virale où, oui, exactement, où t'exposes ta routine du matin. La question que tout le Québec se pose, pourquoi t'as fait cette vidéo-là, ma pinotte? Je veux dire, est-ce que t'avais vraiment besoin de ça avec la belle carrière musicale que t'as? En fait, j'ai passé un bloc culinaire il y a environ 8 mois. Et moi, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant longtemps. Puis le but de mon blog, c'était vraiment justement de montrer aux gens et de donner des trucs pour bien s'alimenter. C'est super important pour moi. Et je voulais lancer une semaine santé axée sur le bien-être. Une autre question, Marie-Lou, que tout le Québec se pose. Est-ce que la maison qu'on voit dans la clip, c'est vraiment ta maison? Ben oui, c'est ma maison. Marie-Lou, on te retrouve dans quelques minutes pour de véritables conseils santé. En attendant, Jean-Philippe, on va aller s'énergiser sans trop se bourrer. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes ICI Radio-Canada Première, l'émission qui trouve que Dieudonné porte bien son nom puisqu'il est effectivement pas mal gratuit. Mon Dieu que c'est plein d'intelligence, ça. Hein? Fred, continuez donc dans cette veine-là. Ben oui, alors c'est mon petit moment. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne année 2014, Jean-Philippe. Merci. C'est clair qu'elle sera bonne puisque vous la passerez avec moi. J'en souhaite une excellente également à tous nos auditeurs qui la passeront aussi avec moi. Ben, je les envie, ce sera drôle, agréable, intelligent, comme toujours. Cela dit, j'ai passé un excellent temps des fêtes, principalement parce que je ne suis pas allé dans le sud. Bien honnêtement, je trouve ça vulgaire. C'est même rendu cliché de s'expatrier dans les pays chauds pendant Noël. C'est à vomir combien les Québécois se dénaturent eux-mêmes en refusant leur nordicité. La Colombie, c'était bien dans le temps des fêtes, Jean-Philippe? Oui. Voulez-vous que je vous dise une température de 32 degrés avec du soleil? C'était extraordinaire. J'ai passé avec Franco, c'était fabuleux. Mais pour vous dire combien j'aime l'hiver, j'ai même continué à jogger malgré le froid et surtout malgré l'air arctique qui s'est emparé de nous. Je ne sais pas si vous écoutiez les bulletins de météo pendant les fêtes, mais c'était épeurant. Le froid arctique est maintenant à nos portes, mes chers amis, et c'est froid en sacrament, le froid arctique. Je ne sais pas d'où vient ce nouveau concept météorologique. C'est peut-être le déplacement des plaques tectoniques, mais une chose est sûre, ça fait peur. Même pour des gens nordiques comme les Québécois, j'ose croire qu'en cette ère de démesure, le refroidissement éolien n'était pas suffisant pour faire peur au monde. D'ailleurs, je suis pas mal sûr que cette enflure verbale météorologique est un complot des météorologues pour que nous ne sortions pas jouer dehors et que nous restions à l'intérieur à écouter les bulletins météo. C'est les mêmes personnes qui nous convainquent que les aubergines, c'est bon, mais finalement, ils ont tout un sideline d'huile d'olive à vendre. Mais je n'ai pas juste fait du jogging dans le temps des fêtes. Je suis pas chroniqueur à la presse quand même. Non! J'ai aussi cuisiné ma première dinde. Et là, je veux faire taire les mauvaises langues. Non, ce n'était pas Marie-Claude Lortie. Mon Dieu, que les gens sont méchants. C'était bel et bien une vraie dinde. Et franchement, elle était délicieuse. C'était bien sûr une recette de Ricardo, le nouveau bonze de la cuisine québécoise. D'ailleurs, j'aimerais chaudement féliciter son équipe qui a fait un travail extraordinaire de référencement sur les moteurs de recherche. Faites le test, là, tapez une recette dans Google et regardez ce qui se passera. Invariablement, c'est une recette de Ricardo qui apparaît en tête de liste. Je l'ai essayé avec dinde, bien sûr, mais aussi avec recette gastro et pouf, la fameuse recette de soufflé de vomi de Ricardo est apparue. Vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Sinon... vous pouvez bien dire des méchancetés. Vous n'avez pas arrêté la journée de nous encenser Ricardo pour ses livres de recettes. Mais c'est vrai, je l'aime beaucoup. Bon. Mais le référencement est impressionnant. Sinon, j'ai eu la bonne idée de ne pas parler de la charte à Bernard pendant le temps des fêtes. Et franchement, ça aussi, ça fut tout un succès. Sinon, je sais très bien que ça aurait mal viré et ça aurait fait de la peine à mon amie Fatima, surdiplômée, oui, mais en même temps très sensible. En fait, on a plutôt discuté d'un autre sujet chaud dans le temps des fêtes, c'est-à-dire les cadeaux genrés, hein, qui feraient des ravages pour l'identité de nos enfants. C'est-à-dire? En fait, ce que j'ai compris, c'est que les intérêts des garçons et des filles seraient comme pré-choisis par les jouets que que nous leur offrons dès le plus jeune âge. Mon fils a 9 ans et demi, malheureusement c'est trop tard, je n'ai pas su lui acheter les bons jouets quand il était jeune. J'aurais dû préconiser les poupées et les salons de coiffure miniature au lieu de camions et de super-héros, moi qui croyais que ça l'intéressait naïvement. Mais non, je lui imposais son identité de garçon aimant les camions et les super-héros sans même m'en rendre compte. Je sais que certains trouvent ridicules ces théories des genres. Je peux les comprendre, hein, puisque c'est souvent ces théories-là sont présentées par des doctorantes en sociologie plus masculines que moi et sans enfants. Mais je pense quand même qu'il faut y prêter attention si on veut à l'avenir de meilleures filles et de meilleurs petits gars pour nos sociétés. Cela dit, je trouve que ça quand même étrange que nos enfants soient si influençables quand ils voient des images de petites filles qui passent un aspirateur jouet dans un catalogue du distribution consommateur et si peu quand leur éducatrice porte un tchador en garderie. Mais comme me disait si bien mon amie Fatima, la poutre de ton aspirateur semble toujours plus petite que la brindille de ton voisin. Sinon... C'est quoi ça? J'ai terminé l'année 2013, non pas en regardant le bye-bye, mais en allant voir le spectacle des apartistes. Oui, j'ai voulu être bon prince. Hein, ça faisait 8 ans que je n'étais pas allé. J'ai cassé Vous avez du fait sucre. Partie des apartistes. Oui, je suis parti le 8 ans. Okay. Alors, j'ai cassé du sucre sur leur dos ici même à cette émission. Et franchement, je ne le ferai plus. On ne frappe pas sur un adversaire qui est déjà par terre. Ah. C'était leur dernière revue de l'année. Dès l'an prochain, les lutrins se seront tus. Et franchement, Jean-Philippe, c'est un créneau qu'on pourrait peut-être occuper à la soirée. Une revue de l'année sur scène, les gens pourraient constater de visu combien vous avez de bons textes. Combien Olivier ne dit rien? Combien Jean-Sébastien va trop loin? Tout ça devant une salle comble de 3000 personnes à 40$ de billet. Franchement, là, nous, on a un an pour y penser et c'est la grâce que je nous souhaite en 2014. Ah, ben, bonne année! Merci. Bonne année! Merci beaucoup, Fred! $40 le billet, 3000 places. Ben, on pourrait le charger. Moi, je pense qu'on pourrait, ouais. Ah oui? On pourrait 4-5 soirs, là. C'est un chalet, ça. Ben oui, je sais bien. On se fait une petite réunion lundi. La même réunion dans laquelle on slack Jean-Sébastien. Oui. Allez, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Déjà. Ah, mon bonjour, Philippe. De retour avec Marie-Lou. Marie-Lou, les membres de l'émission La Soirée est encore jeune veulent évidemment partir l'année du bon pied. Alors, quelques résolutions qu'ils ont envie de tenir. Alors, peut-être que tu pourrais les aiguiller. Alors, Fred Savard m'a demandé ceci. Marie-Lou, j'ai mangé comme un gros lard pendant le temps des fêtes. J'ai commencé à avoir des airs de Gérard Vermette. Que me suggérer pour passer l'année du bon pied? Ben, c'est sûr que d'aller voir ma routine matinale l'aiderait peut-être. L'inspirerait peut-être. Une petite eau chaude citronnée, ça va faire du bien. Ça va laver le dedans. C'est très bon. Olivier Niquette, maintenant, dit « Bonjour, Marie-Lou. J'ai bu comme un trou pendant le temps des fêtes. J'ai passé 2 semaines à boire de la bière sans gluten. Une fois, j'ai même été désinhibé tellement que pendant 30 secondes, j'ai parlé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me désintoxiquer, Marie-Lou? Allez voir la parodie de ma routine matinale par Gabrois. Et en terminant, Jean-Philippe Vautier qui dit « Ma résolution de 2014, c'est de régler mon petit problème de transit. Que faire pour faciliter ma régularisation sans médicaments, Marie-Lou? » C'est tellement dégueulasse. J'ai vraiment envie de répondre, en fait. C'est pas une autre question. Il va y en avoir d'autres, par exemple, Marie-Lou. Des questions que le public va pouvoir te poser parce que c'est pas juste. On va inviter les auditeurs à te poser des questions en nous écrivant à lasoirée@radio-canada.ca. Pendant ce temps-là, Marie-Lou et moi, on va aller faire un petit peu d'Instagram et on vous revient, Jean-Philippe. Salut, Jean-Sébastien. Vous m'énervez, c'est extraordinaire. Fred, notre deuxième invité. Ancien chef du Bloc québécois, il a présidé une commission d'enquête sur l'assurance-emploi, ce qui est pratique quand vous voulez avoir votre chômage d'ex-chef du Bloc. Accueillons M. Gilles Duceppe! Duceppe! Bonjour. Bien pris. Est-ce que vous voulez une bière pour commencer l'année? Non, on va prendre de l'eau. Ouais, bon, ben parfait. Moi aussi, je vais prendre de l'eau pendant que je vous parle, tiens. Ça va. ça s'est mal passé avec Jean-René et la bière. Non, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. C'est votre troisième fois. Troisième fois, oui. Vous êtes le premier invité à venir trois fois. Ah oui? Parce que, bon. Oui, absolument. Les gens réacceptent de venir nous voir, c'est ça qui est le fun. Et la seule personne avec qui on travaille très fort pour l'avoir une troisième fois, c'est Raymond Bachand. Mais Raymond, depuis qu'il a pris sa retraite, il sort plus. Ah, ben je vais l'appeler. Merci d'être ici, M. Duceppe, parce que vous avez une grosse actualité cette semaine. Ah, ben ça se peut. Ben non, mais... Ah, vous n'étiez pas là? Ben, je vous écoutais parce qu'en fait, il y a Yves Michaud, en fait, qui a participé. On a eu un débat ensemble, ouais. Paraît-il, à la radio, oui. Ben, c'est plus un combat que vous avez gagné sans faire de faux. C'est un débat. Oui, mais bon, des fois, il y a des gagnants. Avec des hauts et des bas. c'est ça. Les bas sont pas ici. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, M. Michaud a souligné quelque chose qui nous a surpris. Il a parlé du Bloc québécois et il disait que ça existait encore. Et là, évidemment... bon, prendre sur ça. Vous savez, le Bloc est entre 20 et 25 des sondages. Ce qui est probablement plus que vos codes d'écoute. Hein? Non, c'est vrai. Non, mais absolument, vous avez absolument raison. Ça. Pourquoi alors le débat sur la pertinence du Bloc revient tout le temps? Puis là, ben, il revient évidemment avec Yves Michaud, qui est une personne qui est très, très... Mais c'est parce qu'il y en a qui ont intérêt à ce que ça revienne. Ça, je comprends que les fédéralistes posent ça comme question. Ils disent, bon, vous n'avez pas d'affaires là. Et si on y va pas, ils disent, ils ont peur de venir. Ben oui, mais au dernier nouvel, M. Michaud n'est pas fédéraliste. Non, mais ça, je parlais des fédéralistes d'abord. Ah! Au niveau des souverainistes, je pense qu'il y en a qui comprennent mal la situation. Quand on laisse une chaise vide, il y a quelqu'un d'autre qui l'occupe. Ouais. Et qui dit exactement le contraire que ce qu'on voudrait qu'ils disent. Mais là, la chaise est vide depuis votre départ, là, au Bloc. Ben, écoutez, le NPD avait un député. Ouais. Ben, ils sont passés à 59. Il y a des choses qui se passent comme ça. OK. Qui va être aussi bon que vous pour défendre ça? D'abord, faut pas tomber dans la flatterie, là. Non, mais... Moi, je pense... Non, mais on va se le dire, là, tu sais, je veux dire... Mais au départ, souvenez-vous qu'au départ, en 97, là, c'était épouvantable. Il est pas de la taille de Lucien Bouchard, ceci. Puis c'est ça, bon... Oui, mais vous aviez pas encore vu votre petit cap à fromage, ouais, là. Ben, j'ai gagné après, que, après cette affaire-là, mais... Mais ça, qui on verra. Vous savez, regarde, on se parle aujourd'hui, là, et puis ils n'ont même pas pris la décision. C'est demain que ça se prend à savoir quand est-ce que ça aura lieu, la course à chefferie. Parlons charte un peu, parce que M. Michaud a fait parler de lui. Vous savez qu'il vient de s'excuser. Hein? Ah bon? Il s'est gouré. Je me disais que une charte n'y retrouverait pas ses chats, comme le chat d'Iran. <C'est ça. rire> Mais justement, évidemment, il s'est un peu... il s'est gouré, pour ne pas dire fourré. Oui. C'est des lettres qui suivent. Ben, regarde, on n'est pas regardant sur l'alphabet. mais il demeure que ce discours-là fait sur son... On n'est pas dans sa soupe. Non. Hey boy! Parlant d'alphabet. Ouais. D'ailleurs, j'espère qu'il ne nous voit pas dedans. Mais il y a plusieurs gens qui ont dit, bon, c'est un peu de xénophobie dans cette histoire-là, dans ce discours-là. Oh, moi, je pense que... Oui, il a fait une erreur et ça pouvait ressembler à ça, mais... Il n'y a pas qu'au Québec, il n'y a pas de nation où il n'y a pas des gens qui ont des propos xénophobes. Et des fois, il y a des gens qui en ont sans être xénophobes, tu peux faire une erreur. Mais le racisme, là, malheureusement, ça touche tous les peuples. Hein. Il suffit d'aller au Canada anglais par bout. Là, si on regarde le traitement que les francophones du Canada ont comparé au traitement des anglo-québécois, là, c'est incomparable. Il y a des droits ici qui n'existent pas là-bas. Là. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Là. Moi, j'ai connu ça. Il y a une assimilation fulgurante de toutes les communautés francophones à travers le Canada. Mais les chiffres sont là. Aussi. Mais c'est un autre système aussi. Moi, ça, c'est un autre système. Ben, je veux dire, on ouais, c'est quoi cette affaire-là? Non, mais je dis. Je comprends pas, là, cette. Pas tout seul, hein? Mais non, expliquez-vous donc. Ce que je veux dire, c'est que. On va poser question. OK, là. Allez-y. Pouvez-vous vous expliquer, c'est un autre système? Allez-y. Non, mais je veux dire, ça fonctionne différemment. Pas besoin qu'on me dise quelle question poser. Moi, j'ai pas ça. Le système du Canada anglais pour l'intégration est différent un peu de ce qui se passe ici au Québec. Ben oui, là-bas, on assimile. Ouais, bon, mais je veux dire, c'est normal qu'il y ait des différences. Mais moi, vous savez, ce que regarde... Lequel des deux fonctionne le mieux? Ben, je vous dirais, moi, je pense qu'il faut... Je suis fier, moi, du traitement que les Anglo-Québécois ont au Québec. Mm-hmm. D'ailleurs, mon grand-père est né en Angleterre. Moi, il s'appelait John James Rowley. Arrêtez donc. Quand j'allais au Canada, ils n'aimaient pas les Anglais. Je disais, just wait a minute, I'm a bloke who turned black. Hein? Et mon grand-père, c'était un British home child, c'est-à-dire ces enfants pauvres qu'on leur disait de s'en aller en vacances au Canada, là, puis on les mettait sur le train, puis là, les entreprises les choisissaient. C'était ni plus ni moins de l'esclavage, cette affaire-là. C'est pas connu, puis les descendants, les British home children, on représente 12,5% de la population canadienne. C'est énorme, c'est une histoire qui n'est pas connue, qui est cachée, mais c'est épouvantable ce qui s'est passé là. Alors, donc, moi, je suis pas contre les Anglais. Je suis très fier que les Anglo-Québécois aient de bonnes conditions. Puis je pense que on juge toujours du degré de démocratie d'une société au respect qu'il accorde à ses minorités. C'est beaucoup mieux au Québec si on regarde le traitement des Anglo-Québécois comparé aux Franco-Canadiens ou aux Acadiens. Avec la charte entre Franco-Canadiens et les Acadiens, c'est pas la même chose. Avec la charte de M. Drainville, c'est quoi le degré de respect que... Non, mais c'est la question. Moi, je vous dirais qu'il y a 80 à 90 de la charte qui est appuyée par tout le monde, à 100 là, à l'Assemblée nationale. Les changements... 80 de l'Assemblée nationale... Non, 100 de l'Assemblée nationale appuie à peu près 80 du contenu de la charte. OK, parfait, ouais. Les changements aux droits et libertés, la Charte des droits et libertés du Québec, sont appuyés à 100 à l'Assemblée nationale. Là où ça bloque, c'est sur les signes ostentatoires. Moi, ma position est différente, je l'ai dit. Ouais. C'est toujours le cas? Oui, oui, oui. Moi, on a travaillé longtemps sur ça au Bloc. Moi, je disais, on devrait faire en sorte que les signes ostentatoires ne puissent être portés que uniquement par ceux qui représentent l'État et ont un pouvoir d'autorité. Ils représentent l'autorité avec pouvoir de coercition. Ouais. Les policiers, les juges, les gardiens de prison. Il me semble que ce serait plus simple. Bon, maintenant, il n'y a rien de débat démocratique, puis on va l'avoir, mais ce qui se passe à York University, là, ben ouais. ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Le gars ne veut pas être assis à côté d'une fille pour faire un travail en groupe. Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Peut-être parce qu'il est gêné, on ne sait pas pourquoi. Ben oui, donc, il faut avoir une attitude. J'ai lu dans le devoir, je n'ai pas lu dans le devoir. Et des raisons de sécurité aussi. Des raisons de sécurité. Exemple, un turban, ça ne protège pas d'un bloc de ciment. Non. Bon, il faut voir. Water polo qu'un turban, c'est bien difficile. C'est parce que c'est... À moins d'enlever l'eau de la piscine, on appelle ça du handball. Oui. C'est un bon point. Mais il va y avoir la consultation publique là, pour la charte. Donc là, il va y avoir une genre de tournée au Québec. Ça devrait être intéressant, justement, Jean-René. Ça va être du bon stock. Oui, on va suivre ça attentivement. Ouais, moi, je voulais savoir, le crucifix, on fait quoi avec ça? Ben moi, vous savez, le crucifix, je trouve pas que c'est patrimonial tellement. C'est arrivé en 1936 par Duplessis, qui voulait imiter un peu ce qui se passait avec Salazar. On pourrait mettre ça dans la garde-robe? Ben, je pense qu'on pourrait le mettre dans un couloir. Par ailleurs, si le crucifix avait été taillé dans le marbre, là, je l'aurais pas cimenté. J'aurais pas fait de nous des talibans qui détruisent leur Bouddha. Ouais. Il faut avoir une attitude logique et pratique. C'est une œuvre d'art. Ben, c'est indéplaçable, déplaçons-la. Si elle ne l'est pas, ben coudonc. Il y a le musée des Beaux-Arts, au pire. Oui, mais un bloc de ciment, mettons que ça aurait été dans une structure comme les talibans. Ah oui, c'est ça. Ben ouais. Ça n'a pas de bon sens. On peut... Moi, je le trouve en forme, notre Gilles, en 2014. Ben oui, c'est justement... Ça va être ma dernière question. Qu'est-ce qu'il va faire Gilles Duceppe en 2014? Ben là, j'ai terminé la commission sur l'assurance emploi. D'ailleurs, on va remettre minimalement 200 000 piastres. C'est rare qu'une commission mette de l'argent. Arrêtez donc. Hein? Et c'était applaudi par le patronat et les centrales syndicales. C'est rare. Un rapport est appuyé par les deux. Donc, c'est un bon rapport. là, je recommence à écrire dans le Journal de Montréal et de Québec à partir de lundi. OK. Et je suis président de la fondation et de la compagnie Jean Duceppe au théâtre. Oui. Ouais. On aura d'ailleurs un beau feu d'artifice extraordinaire le 22 février au soir, du haut de la Place des Arts. Et pour souligner le 80e de l'Orchestre symphonique, 50e de la Place des Arts, 15e de Morgan en Lumière et le 40e de Duceppe. OK, fait que vous arrêtez pas finalement. De temps en temps, je fais des émissions comme vous. Oui, oui, mais regarde, c'est facile. Mais non, mais ça arrondit les semaines. C'est bien fun. Mais merci beaucoup, M. Duceppe. J'aurais encore plein d'autres questions à vous poser, mais il faut qu'on se quitte. Sinon, le pétrole, vous, toujours? Vous en pensez quoi? Pétrole, moi, sur ça, et ça fait longtemps qu'on l'a dit, là. Nous, on dit il faut d'abord avoir le feu vert de l'environnement. Ouais. Hein? Tout le monde admire la Norvège. La Norvège, c'est le troisième producteur de pétrole et de gaz naturel au monde. Ils le font de façon respectueuse de l'environnement, pas comme BP dans le golfe du Mexique. Hein? Donc, si on pouvait le faire comme ça ici, on réduirait les gaz à effet de serre parce qu'on en produirait moins que de le faire venir soit du Moyen-Orient, soit de l'Algérie. Le transport, ça en crée des gaz à effet de serre. Ouais. Et là-bas, il y en a plusieurs très peu respectueux de l'environnement. Alors, s'il y a moyen de le faire en respect de l'environnement, faisons-le. Ça baisserait notre balance commerciale. Mais moi, c'est juste de faire aussi bien que la Norvège, alors qu'on n'a jamais réussi à faire rien aussi bien que la Norvège. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Il y a des choses qu'on fait très bien. Même les émissions de radio. Hein? Oui, non, mais ça, quelques-unes, c'est vrai. C'est exceptionnel. Alors, c'est possible dans votre domaine, c'est possible dans d'autres. Il y a des choses qu'on fait très bien au Québec, mais on a cette manie de se dire on ne fait rien de bien. C'est une erreur. Par exemple, la commission Charbonneau, c'est terrible ce qui se dit là, mais ce qu'on fait de bien, c'est de le dévoiler. Alors que personne ne parle des premiers experts qui sont passés à Charbonneau qui ont dit le contrôle de la mafia est plus grand sur Toronto que sur Montréal. Et là-bas, on enquête sur rien. Mais il y a d'autres on problèmes. On laisse faire. On en parle pas. Il y a d'autres, Problèmes. Mais il y a des choses qu'on fait très bien, des choses qu'on fait moins. Moi, je pense pas qu'il y a un peuple supérieur à un autre. Je pense pas qu'il y a une nation supérieure à un autre. Je pense pas qu'il y a un pays. Mais je trouve ça tellement ridicule quand j'entends le président américain dire « God bless America, we're the first country in the world ». Merci beaucoup, M. Duceppe. Merci. On va passer immédiatement à notre prochain chroniqueur. Fred, présentez-nous, Olivier. Oui. Il ne commence pas son année avec des restants de dinde, mais plutôt avec du jambon frais. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Eh bien, j'espère que vous n'avez pas trop parlé de la charte autour de la dinde à Noël, parce que si c'est le cas, vous vous êtes fait avoir par les manœuvres du PQ et vous êtes comme la majorité des Québécois, des dindons. Carl Monnette. Les gens ne savent pas compter, puis il y a une chance que la majorité des Québécois, c'est des imbéciles, parce que moi, vous dire une affaire, on est capable de leur passer à peu près n'importe quelle histoire, n'importe quel bateau. C'est toujours drôle de voir que ceux qui se réclament du vrai monde trouvent souvent que le vrai monde, ben, c'est des imbéciles. Faut dire qu'à Radio X, ils sont corrects, puisque les imbéciles ne les écoutent pas, comme l'explique Denis Gravel. Nos auditeurs sont extraordinaires à Radio X, on n'arrête pas de le dire. Là, non seulement ils sont nombreux, mais je pense encore qu'on a les meilleures personnes de la planète avec nous autres. Oui, je pense qu'on est meilleurs que les lecteurs du Devoir. C'est toujours drôle de voir que ceux qui dénoncent les gauchistes prétentieux sont souvent les plus vaniteux. En tout cas, rassurez-vous, chers auditeurs, nous, on vous trouve assez moyens. On le sait que vous nous écoutez juste parce que vous êtes pognés dans le trafic. Reste que la charte n'est pas parvenue à nous détourner du sujet qui a le plus marqué l'actualité cette semaine, le policier qui a proposé à un itinérant de l'attacher un poteau à moins 30. Et on sait tout ça grâce à un jeune qu'on appelle aussi... Le Robin DBS. Oui, le Robin DBS, à ne pas confondre avec Yves Michaud, le Robin des banques. C'est comme l'inverse un peu, là. Donc, le Robin a filmé le Robineux, ce qui en fait l'un des porte-étendards du mouvement de jeunes pas de vie qui n'aiment pas la police. Et l'autre problème qui est de plus en plus répandu à Montréal, c'est qu'il y a la guerre aux polices qui est devenue une mode chez des cégepiens pas de vie, qui travaillent pas assez, des donneurs de leçons qui connaissent rien, puis qui pensent qu'ils sont dans une société où, mon Dieu, que la police est méchante. Et d'ailleurs, j'ai mis la main sur le témoignage d'un de ces jeunes pas de vie qui n'a pas aimé le travail du policier. C'est un manque de jugement total. C'est d'avoir agi en imbécile d'avoir tenu de tels propos. 10-4, mon Claude, vous pouvez retourner vous pogner le beigne au cégep. Sinon, autre gros sujet dans le temps des fêtes, la météo. Ben oui, il a fait fret et qui dit fret dit pas chaud, comme l'explique Éric Duhem. Vous l'avez bien vécu pendant qu'on était parti. Il faisait tellement chaud. Vous avez vu comment le réchauffement de la planète fait des ravages. On suppose que M. Duhem sait très bien que le climat et la météo, c'est pas la même affaire. Et c'est ce qu'il y a de plus triste dans tout ça. Faut dire qu'avec le vortex polaire aux États-Unis, c'est aussi une logique très à la mode chez Fox News, ce qui me fait conclure que lorsqu'on se compare, on se console, mais pas vraiment. D'ailleurs, les gens sont bien tannés de se faire dire quoi faire par les écolos, ce qui, selon André Arthur, n'est pas très viril comme concept. C'est un geste essentiellement femelle. C'est l'instinct d'une femme de vouloir protéger ses enfants, protéger la société. Tout le mouvement écologiste des enverdeurs extrémistes actuellement est essentiellement un mouvement féminin. Greenpeace, c'est soit des femmes, soit des gars. Protéger ses enfants, protéger la société. Tu parles d'une idée débile. Arthur a bien raison de dénoncer les femmes et les gars. De son côté, Sylvain Bouchard de Cogeco a dénoncé le fait que les médias accordent beaucoup trop d'importance à ceux qui désapprouvent la lettre de Bernard Landry et ses amis sur l'exploitation du pétrole québécois. Parce que les dénonciateurs, là, ils connaissent rien. On a parlé de scientifiques, on a parlé d'experts. Ne manquez pas, Anne-Marie Dussault à RDI va explorer donc cette question, oui ou non, est-ce qu'on devrait exploiter le gaz de schiste et le pétrole avec un handicapé qui peint avec ses pieds, un sculpteur de crottes de fromage et un danseur de polka endiablé. Les trois se prononcent à RDI. Effectivement, vaut mieux se fier sur des scientifiques comme Bernard Landry, Monique Jérôme-Forget ou Joseph Facal, tous experts en fracturation hydraulique. Terminons en parlant du petit Jésus avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui pendant le temps des fêtes avait un beau message à passer sur la religion et le sexe. C'est merveilleux l'acte sexuel que deux êtres humains qui se pénètrent. Le mot, la pénétration, là, c'est tellement significatif. Regarde, quand on mange, par exemple, tu vas prendre une pomme, plus elle est belle, plus tu veux la manger. Aïe. Plus c'est beau, plus tu veux la manger. C'est la même chose pour l'Eucharistie. Tu veux mettre Dieu dans toi. C'est ça. Il faut qu'il pénètre. L'air, faut qu'elle pénètre. S'il n'y a rien qui te pénètre dans toi, là, tu meurs. Voilà. Alors, si on résume, si vous ne voulez pas mourir, continuez de vous laisser fourrer par le Seigneur. Aïe, aïe. Vous venez de la même ville, hein? C'est, ouais, ouais. C'est mon maire, mais je vote plus loin, je te dis. C'est mon maire. Eh hey boy. Eh hey, mon Dieu, j'en viens comme pas. Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, hein, mais il faut continuer. Une nouvelle année commence, et quoi de mieux que de l'entamer avec notre ami Kevin Gosselin du Radio X Jazz? On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noirs. Ah! Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Arien, qu'Evan Gosselin serait dispo derrière le microphone pour entamer une nouvelle année avec vous. Peut-être la dernière, si j'en crois ce que j'entends lorsque je passe devant le bureau du directeur de la station, au frère Chuck, qui doit chaque jour convaincre nos créanciers d'être un peu plus patients des créanciers qui sont plus nombreux que nos auditeurs. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent temps des fêtes dans le Sud, question de fuir la médiocrité québécoise, ce qui fait que je n'ai pas eu à me taper le bye-bye le 31 décembre au soir, mais j'ai quand même écrit une lettre à la direction de Radio-Canada afin d'être remboursé pour ce bye-bye qui a dû coûter une fortune. Il n'est pas question que mes impôts servent à enrichir des comédiens sans talent, sinon ils n'auraient pas besoin d'être subventionnés. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant mon voyage dans le Sud que peu de choses sont subventionnées dans les pays chauds, et les gens ont toujours le sourire et se forcent sans se plaindre pour cirer vos chaussures, vous remplir le daiquiri ou faire quelques extras comme cette femme de chambre dont j'ai oublié le nom. Il suffit de revenir ici pour voir la différence. Je l'ai bien vu à l'aéroport de Toronto où c'était le chaos. Un chaos syndiqué à grands frais d'ailleurs. Mais à leur décharge, il faut dire que la température n'a pas été facile. D'ailleurs, il serait grand temps de la privatiser, cette température. Elle serait nettement plus efficace et nous coûterait moins cher. On va poursuivre en musique, ça au moins c'est gratuit. En tout cas sur BitTorrent. Alors, allons-y avec une pièce de Illinois Jacket, Black and Tan Fantasy, sur les ondes du Radio X Jazz, le 91, blanc. Ah, ben... Hey, il s'en fait-tu de la bonne radio, ailleurs? Franchement, Jean-Sébastien? Bon, Jean-Philippe, toujours là? Ben, malheureusement. Alors, toujours avec Marie-Lou, beaucoup de courriels qu'on a reçus pour toi, Marie-Lou, pour que tu puisses répondre à différentes questions. Mm-hmm. La première question nous vient de F. Savard de Rosemont, à Montréal, encore une fois. Et ça dit, bonjour Marie-Lou, dans ta vidéo, tu dis que la meilleure façon de réveiller ton corps tout en douceur, c'est de lui faire boire une eau citronnée. Je peux te dire que j'aurais autre chose à te proposer? Oh non! Pour ton information, je serai chez Roger à 21h, Marie-Lou. Mais que veux-tu répondre à ça? Je pourrais peut-être demander à mon chum qui fait les photos du blog. Oui. Sûrement qu'il y aurait une bonne réponse. Hein? Lui demander. Je vais lui donner son adresse. Une autre question d'un habitué de mes courriels ici. Allô, ma belle, dans ta clip, il est beau en crime le petit top fleuri que tu enfiles juste avant de descendre les escaliers. Où est-ce que tu l'as acheté? Moi aussi, j'aime ça mettre des petits tops dans l'escalier et c'est signé à Bois-Clair de la Bédaine. J'ai acheté le chandail en voyage cet été, donc malheureusement, je t'en fais partie au Québec. Bon, ça va rester une exclusivité pour vous. Et un autre en terminant. Allô, Marie-Lou, est-ce que tu sais que les smoothies viennent des États-Unis, ma belle? Je te trouve pas barré à 40 de nous importer tes satanées cochonneries. Au Québec, on boit du gin à cochon puis du caribou et c'est signé Y. Michaud. Ben, je sais pas quoi répondre, mais je peux bien faire des chroniques humoristiques sur mon blog. Je l'invite n'importe qui. Ben, Marie-Lou, merci beaucoup d'avoir eu l'humour de venir ici. T'as vraiment réussi à nous prouver que t'es capable de briser le mythe de la petite vie parfaite. Bonne année, Marie-Lou. Hey, merci, Marie-Lou. De t'être prêt au niaiserie, Jean-Sébastien. Bye! Bye! Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire entame son année en se penchant sur les groupes qui présenteront des mémoires sur la charte à Bernard. Oh, oui. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Yeah! Hello! Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Vous avez passé des belles fêtes? C'est faux! Avez-vous passé des belles fêtes? C'est faux, pas pire. Hein? Non, c'est parce que je mets en pratique le petit guide du Parti québécois sur la charte autour de la dinde. Ah, d'accord. Ça s'appelle Réponse aux questions de votre famille pendant les parties des fêtes. Et le principe est assez simple. Chaque fois que vous me dites quelque chose, je réponds c'est faux. Okay. Hein? C'est comme un petit catéchisme. Oui, dans le catéchisme, il y a le mot schisme. Hein? Ouais. Mais sur les internets, pour les jeunes loups comme vous, hein, pensez Internet Vautier. Ouais, c'est ce que j'ai fait plus en plus. C'est un peu le manuel du parfait péquiste qui est évidemment destiné à penser. C'est le contraire des anciens chefs du PQ. Et croyez-moi, en cette matière, les péquistes s'y connaissent assez bien. Merci. Et grâce à ce petit catéchisme-là, je me suis assuré que la dinde n'était pas halal, que mon gâteau fruit n'était pas cachère et que mon réveillon n'était pas agréable. Hey, ça devait être le fun, vos temps des fêtes. Hein, ben, pour me détendre, pour être zen, vous savez comme j'aime lire, alors je me suis laissé bercer par la prose du maire de Saguenay, votre maire dont vous parliez tout à l'heure. Je l'aime, sur je Twitter, l'aime. Lui aussi, je lui dis des choses assez, assez prolifiques sur les choses religieuses. Oui. On va le citer, les athées sont des croyants qui font des efforts pour tenir la porte fermée à Dieu, mais un jour ils cèdent parce qu'ils sont épuisés. Ouais. C'est beau, hein? Mmh. C'est beau. Mmh. Une chance que la planète se réchauffe. Hein? Mmh. Ça, c'est... Il a écrit ça? Il a écrit ça. Ouais, c'est une journée plate. Très bientôt, le Wi-Fi sera partout, comme Dieu, pourrait-on ajouter. Hein? Écoute, c'est vrai qu'il a écrit ça. Il a tout à fait écrit ça. Mais c'est peut-être une mesure pour la ville de Chicoutimi. Il a dit aussi d'habitude, les gens qui abordent un dossier en disant je me pose des questions ne font pas grand chose. Qui nous rappelle son spécial tornade à son émission à la télé communautaire. c'est vrai. Et aussi, il a tweeté ce compte n'est pas un faux en omettant d'ajouter ma gang d'infidèles datée de. OK, d'accord. Mais là, ça va être. On a fini avec la mère? Oui. Ça va être des grosses semaines qui commencent avec la commission parlementaire sur la charte. Oui. Là, vous allez sûrement couvrir ça. D'ailleurs, Jean Tremblay, le maire, va présenter un mémoire, ainsi que Jamila Benhabib, là, même s'il n'est toujours pas capable de prononcer son nom. Mais Jean-René en a parlé tout à l'heure. 270 groupes qui veulent se faire entendre. Hey, ça va être bon, ça. Donc, 270 heures d'audience, soit environ le temps que Marie-Lou prend à préparer son petit déjeuner. Et parmi les groupes qui présentent un mémoire, certains sont un peu étranges, comme la communauté des druides du Québec. Ouais. Leur manifeste, ça dit « faire vivre et développer la sapience, l'érudition et la rituelie druidique dans une sereine discrétion et être le point de rencontre du peuple de la déesse Anna des Celtes qui estime avoir un rôle spirituel à remplir. » Si c'est pas ostentatoire, ça. Ça me semble modéré. Je pense que Bernard pourra l'intégrer. Ben justement, que Bernard Drinville se le tienne pour dit. Hein. Ouais. Personnellement, j'ai vraiment très hâte d'entendre le témoignage de Panoramix, surtout qu'il y a une barbe ostentatoire qui porte une serpe à la ceinture qui est un peu un kirpan, pas dans son étui, hein, puis qui est né à peu près en 120 avant Jésus-Christ, et donc c'est probablement un ami d'enfance d'Yves Michaud. Et selon mes sources, son témoignage, la trame sonore va être assurée par les elfes de la vapeur. Ah oui, l'organisation Stop Circoncision Québec, qui va présenter un mémoire en faveur du prépuce ostentatoire de Fred Savard. Le carnage, ça suffit! Avec des croquis, hein? Le groupe Citoyens contre l'abattage rituel d'animaux au Québec. Mais ça, c'est tannant. Ben oui, l'agneau sacrificiel, ben les poules les soirs de pleine lune, Gabrois, tout le monde en parle. Ouais. Il y a aussi le mouvement des Jeannettes, hein, initié par Julie Snyder, Jeannette Bertrand. Pour l'occasion, Violette va être là pour servir les verres. Et à l'opposé, il y a Xavier Dolan qui est en train de rédiger son mémoire, qui va en présenter un. Il hésite entre « J'ai tué ma charte »,« Les halal imaginaires » ou « Bernard Anyways ». Je vous laisse là-dessus, on a tous hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. C'est déjà tout pour ce soir. J'ai presque envie de dire pour cette année. Restez à l'écoute dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert. Un gros merci à nos invités. Jean-René, on vous suit pendant les Olympiques. Ça commence quand, ça? En début février, là, quelque part. Ben, revenez en un morceau ou en deux, en tout cas, au moins. Hein? Un des deux. On peut se recoller ça. Parfait. Monsieur Duceppe, on vous lit dans le Journal de Montréal à partir de... Lundi. Lundi. Merveilleux, merci et bonne année. On a hâte de savoir qui va être le prochain chef du Bloc québécois. Ah. On vous réinvite avec lui. Merveilleux. Merci à Jean-Philippe. Merci à tout le monde et ceux qui trippent et sur l'émission. Vous réécoutez notre balado. Vous rendez sur notre site web ou sur iTunes. Pour assister à l'enregistrement, l'émission se fait les vendredis 16h. Nos invités la semaine prochaine, Bernard Drinville et Bernard de Rome. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!